J'ai suivi Jésus dans la plaine, lorsqu'il guérissait tous les maux, qui brisait du péché la chaîne et soulageait tous les fardeaux, qui m'est doux de suivre sa trace en tout lieu. J'entendis la voix divine, c'est ici mon fils bien-aimé, qu'il est doux de suivre sa trace en tout lieu, en tout lieu, en tout lieu, en tout lieu, en me dirigeant par sa grâce. S'avançait vers l'adversaire, portant tout seul sa lourde croix.